Ho, ho, Dolce, ouais, ouais, Dolce, ouais, ouais. Moi quand je fais du rap d'abord je mets le cax ma cool. Un quoi? Putain l'instru boom, va le trouta doudoum. Un big pompe donc flow bal doum doum. Vas-y roule, cool un buzz, un vas-y deux, vas-y cool s'beul. Deux petits scuds roulent en 2002, vas-y cool un rêve. Deux sky pour notre rêve. Deux, puis toujours certains me diront parti au sky. D'autres disent c'est la vie, que la roue tourne donc des fois elle t'écrase. Et moi je dis ça va un vinyle qui tourne, les langues de pute s'écrasent. Oh c'est douché, ouais attends moi on me connaît. Non c'est pas vrai, donc vas-y je fais du rap personnel. Dans le gueux t'as trop de mackerel, trop de quatre. Dans le peur à des balles, tringue à l'appel qui se trimballe près de chez toi. Tu vois, je tringle, ton balle trou sur un simple appel. Tu vois, le monde se divise en deux, y'a le trou, prends le flingue, pas l'appel. Tu vois, je flingue, wesh, connard, dis-moi que t'as rien à perdre. Tu vois, je blinde mon pétard avec déjà quoi du merde, non, de l'herbe, j'ai plus, mais je le tasse sur le charlet. Bon, à plus, non, faut que je double haut les bacs salés. Si faire le disque d'or, c'est ce que tu recherches, tant mieux. J'ai besoin que personne vienne me tendre la perche. Le micro j'tâte, j'ai le flow qui pèse. Les faux j'baise, sur ce beat j'pose des faces qui blessent. Une feuille blanche, un stylo pique et j'lâche. Tellement de rimes que j'laisse. Les grandes gueules se ferment et toutes les gares se me lèchent. Dis au tien de rester à l'écart, on sort l'artillerie. Lourde sur grosse basse et caisse claire, flow qui martyrise. Vouloir nous tester, c'est comme des tests ennemis quand viennent à se battre. Tu finis la tête en sang sur l'asphalte. Dans ce biz, c'est la renommée auquel j'aspire. Tu perds la tête si tu veux me clash, frère, tu respires plus. Hein. On veut tous la même chose, faire des sommes larges. Quitte à le faire illégalement comme le port d'armes. C'est la fabrique, sort ton gilet pare-balles. On shoot tout ce qui bouge, pute et pas le train qui parle mal. Meuf en style, c'est la sauce sale. Tu veux tester la sauce, c'est du sauce. Tant que mets une pastos quand je rappe, les faux sont tous style. La fabrique, teste le beat, à Jao sous sky. C'est la fabrique, meuf en style, c'est la sauce sale. Tu veux tester la sauce, c'est du sauce. Tant que mets une pastos quand je rappe, les faux sont tous style. La fabrique, teste le beat, à Jao sous sky. C'est la fabrique, ça sent la poudre, la chenette des fous, Belek v'là ma troupe, ça sent la sueur, le taf, les rimes en série. C'est la fabrique, le groupe, que du vrai, pour les frères, pour les femmes, pas de gaffrel, pour mes grands onces, Fleury et Fren, Dickens. OHF, braquage du son comme s'il fait des orfèvres, orateur, flow fluide sans rature, obscène avec les ambiances bonnes basses, sans que ça sature, en slarvi, nique le but, les faux se retrouvent sur le parvis. C'est la fabrique, tonton, rime fusil à pompe, balle, doum doum, c'est, tu veux test, tout tâcher ma paume. Petite balle tringue, mec respire, y'aura pas de respect. Tu vas sauter bêtement si t'insistes, donc pourquoi rester? Tu te fasses péter salope, moi je m'en bats les couilles. Ça parle sur ma tête, mais mentalement je chante pas les coups. 91, c'est les sons et pas Los Angeles, crains. Textuellement, je baisse les quins. C'est la fabrique pour les refs en direct live de l'Essonne. Transforme le microphone, verbal Smith et Wesson. Je fais couler l'encre et la rage prend forme. J'ai le flow, les textes, les faux, je déteste. Donc si faux, j'explose les têtes, mec, j'cause des pertes, j'expose. Mon texte sur le track, maintenant tu sais à quoi tu t'exposes. Donc pourquoi tu jacques? Premier maxi dans les bacs. Objectif, vendre un max de 10. Et moi, j'braque le buzz, MC 10, mon flow par pack de 10. Donc j'm'attraque le beat explicite quand j'attrape le pic. Et les tasses pétif, elles s'excitent, ça leur gratte le clit, ouais. Tu capes le trip, j'représente. Ma clique, la fabrique. En 2002, faut qu'on palpe le fric. Qu'on schlappe ces types. Toutes ces darlouses qui partent tous entre VIP. Pour y par la coke et par le flou. C'est triste de voir tous ces PD squatter les bains touches. Claquer leurs mains tous les soirs pendant que la banlieue a le blues. Meuf en style, c'est la sauce sale. Tu veux tester la sauce, c'est du sauce. Tant que mets une pastos quand je rappe, les faux sont tous style. La fabrique, baisse le beat, un jaune sous sky. C'est la fabrique, meuf en style, c'est la sauce sale. Tu veux tester la sauce, c'est du sauce. Tant que mets une pastos. Quand je rappe, les faux sont tous taille. La fabrique, baisse le beat, un jaune sous sky. C'est la fabrique.